L'aveugle et le lait. Fable. Un aveugle de naissance demanda à un voyant : De quelle couleur est le lait ? Le voyant lui répondit : La couleur du lait est comme le papier blanc. Quoi ? Demanda l'aveugle. Est-ce que cette couleur est aussi soyeuse au toucher que le papier ? Le voyant répondit : Non, elle est blanche comme la farine est blanche. Comment ? Reprit l'aveugle. Est-elle aussi molle et pulvérisée que la farine ? Non, répondit le voyant. Elle est tout simplement blanche comme le lièvre blanc. Alors, reprit l'aveugle, elle est aussi velue et aussi douce que la peau du lièvre ? Non, répondit le voyant. La couleur blanche est comme la neige. Alors, reprit l'aveugle, elle est aussi froide que la neige ? Et malgré tous les exemples que le voyant citait à l'aveugle, celui-ci ne pouvait se représenter la couleur blanche du lait.